إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فنواصل دراستنا في كتاب التوحيد للإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، سائلين الله أن ينفعنا بهذا العلم وأن يجعله في ميزان حسناتنا جميعا، كما نسأله جل وعلا التوفيق والسداد وأن يجعلنا من الفائزين في هذه الدنيا وفي الآخرة. وبعد، donc on va continuer inshallah notre étude inshallah sur l'explication du livre de l'unicité, Kitab al-Tawhid, du grand imam Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Donc on a dit que Kitab al-Tawhid, c'était une partie de l'authentique de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Donc on a dit que l'imam, l'auteur de cet authentique, a conclu l'authentique, son livre, avec la mention d'un livre qui est le livre de l'unicité. Et donc, il a mentionné et évoqué des hadiths, et c'est donc ces hadiths, incha'Allah, avec l'aide d'Allah, qui seront étudiés lors de l'étude du livre de l'unicité de l'imam al-Bukhari. Donc hier, on s'était arrêté lorsque on était en train de parler de certains faits de la vie et de la biographie de l'auteur. Donc on a dit qu'on allait essayer de résumer, de citer certains faits de la vie de ce grand imam et essayer de faire une biographie brève, puisqu'on a dit que l'imam est un personnage très célèbre et connu dans notre communauté, et beaucoup d'auteurs ont fait des biographies, ont rédigé des biographies. Vous pouvez retrouver de nombreux livres, que ce soit des livres de biographie ou des livres d'histoire, qui relatent de nombreux événements et faits de la vie du grand imam Mohammed ibn Ismail al-Bukhari rahimahullah ta'ala. En l'occurrence, il y a l'imam al-Dhahabi dans Siyar A'lam al-Nubala qui a fait et rédigé une biographie de l'imam al-Bukhari, et il a mentionné de nombreux faits et événements, de nombreuses anecdotes relatant la vie de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, et d'autres livres encore. Mais il nous faut quand même parler de la vie de l'imam al-Bukhari et citer certains faits et événements. Pourquoi ? Parce que cet homme a marqué l'histoire de l'islam et des musulmans. C'est un personnage qui a joué un rôle très important pour la préservation de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc c'est un illustre personnage, c'est un homme qui a une grande notoriété, c'est une célébrité dans notre communauté. Et comme on l'a dit précédemment, il a vraiment marqué l'histoire des musulmans et de notre communauté. C'est pour cela que malheureusement, beaucoup, beaucoup ignorent la biographie et la vie de cet illustre et grand imam, l'imam al-Bukhari. Et c'est pour cela le fait de connaître certains faits de sa vie, le fait de lire dans la biographie de nos pieux prédécesseurs, et ben sachez que la vie et la biographie de nos pieux prédécesseurs, c'est une école pour les générations à venir. C'est pour ça qu'il est important pour nous-mêmes d'apprendre et de revenir à ces biographies-là, de lire dans les biographies des grands imams de notre communauté, et ensuite de les lire et de les enseigner à notre progéniture, à nos enfants et aux descendants. Pourquoi ? Parce que, comme on l'a dit précédemment, la vie de ces grands imams, c'est une école pour les générations à venir. Et en l'occurrence, l'imam al-Bukhari, c'est un personnage très très important. Son livre, son authentique est célèbre et connu. Par contre, sa vie est inconnue de beaucoup de musulmans, ou du moins certains événements de la vie et de la biographie de l'imam al-Bukhari. C'est pour cela qu'on va essayer de citer certains faits et événements de sa vie pour qu'on se rende compte vraiment de l'importance et de la grandeur de cet homme. Sachez, comme on a dit, on avait mentionné dans la dernière assise ou dans la dernière allocution plutôt, la date de naissance de l'imam al-Bukhari. Donc, Mohammed ibn Ismail al-Bukhari est né après la prière du vendredi. Et les biographes rapportent qu'il est né le 13 du mois de Shawwal, en l'an 194 de l'Hégire. Et ça donne, dans le calendrier grégorien et chrétien, à peu près en 810. En 810. Et donc, il est né dans la ville de Al-Bukhara, comme cela est célèbre. C'est pour cela qu'ensuite, il est affilié à cette ville et il est nommé Al-Bukhari, du fait qu'il est né dans cette ville, Al-Bukhara, qui était à l'époque Al-Khurasan, du Al-Khurasan. Et aujourd'hui, la ville de Al-Bukhara, Al-Khurasan, s'est située en Ouzbékistan. Donc, il est né dans cette région-là. Et comme on a dit, son père qui s'appelait Ismaïl, qui était fils d'Ibrahim, son père était Ismaïl ibn Ibrahim. Et lui-même, son père, c'était un érudit, un savant du hadith. Il était connu comme être pieux et être dévot. Et son père était célèbre et était connu du fait qu'il fréquentait les assises des grands savants. C'est pour cela qu'on a relaté dans la dernière allocution que l'imam al-Bukhari disait lui-même que Samira Abi min Malik ibn Anas wa Ra'a Hamad ibn Zayd wa Safaha ibn al-Mubarak bi kilta yaday. Et lui-même, l'imam al-Bukhari, disait que son père, donc, avait assisté aux assises de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, et qu'il avait même vu le grand imam Hamad ibn Zayd, et qu'il avait même serré la main de Ibn al-Mubarak, comme on a mentionné cela dans la dernière allocution. Donc, son père, il est célèbre que son père était un savant, et c'était un érudit dans la science du hadith, et il était connu aussi pour sa piété. Et alors, il fréquenta, comme on a dit précédemment, les assises des grands savants. Quant à la mère de l'imam al-Bukhari, elle aussi, il était connu que c'était une femme pieuse et qui était fervente dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'était une femme très courageuse du fait que très jeune, elle a dû se charger. Lorsque l'imam al-Bukhari était très jeune, elle a dû se charger de son éducation, du fait que le père de l'imam al-Bukhari était décédé très tôt, et comme on a dit, l'imam al-Bukhari donc était orphelin de son père. Donc c'est sa mère, qui était une femme très courageuse, qui a dû donc se charger de l'éducation de son enfant. Et c'est pour cela que la mère de l'imam al-Bukhari est une grande cause. Elle a joué un grand rôle. Elle a un rôle principal ici dans l'éducation de son fils. Et elle a joué un grand rôle pour ensuite l'avenir de son fils, de ce que va devenir ensuite l'imam, le grand imam Mohammed ibn Ismail ibn Ibrahim al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala. Donc, comme il est mentionné dans sa biographie, et c'est pour cela qu'il est important, avant de commencer l'étude du livre de l'unicité de l'imam al-Bukhari, il est important de lire et certains faits de sa vie. Pourquoi? Parce que vous allez voir, c'est vraiment une grande exhortation. C'était un homme hors du commun. Et regardez, on a dit sa date de naissance, c'était en 194 plutôt, 194 de l'Hégire. Donc il va naître à peu près 2 siècles. 2 siècles après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc vous avez vu, il naît à la fin du deuxième siècle. Il va naître à la fin du deuxième siècle, c'est-à-dire qu'il va naître à peu près 200 ans. 200 ans après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cet homme qui était hors du commun, va jouer un grand rôle pour la préservation de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous avez vu dans le verset, lorsqu'Allah dit qu'il va préserver et protéger son livre, Al-Dhikr, et dans Al-Dhikr, les savants disent que ça sous-entend aussi bien le Coran, le livre d'Allah, que la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et, wa inna lahu la hafidhun, lorsqu'Allah dit qu'il a descendu, certes nous avons fait de descendre ce Dhikr, et ensuite Allah dit wa inna lahu la hafidhun. Et pour ce dhikr, eh ben, ce qu'il a fait descendre comme rappel, eh ben, il y aura des protecteurs. Et de ce fait, l'imam al-Bukhari a joué un rôle immense dans la préservation de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez que la sunna, la tradition du prophète, fait partie de la révélation. C'est la deuxième source. La révélation, c'est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela souvent dans maintes versets, lorsqu'Allah jalla wa ala nous enseigne qu'il a fait descendre aussi avec le livre Al-Hikmah. Beaucoup de savants dans l'exégèse et le commentaire et l'explication de ces versets-là, ils disent que Al-Hikmah, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. C'est pour ça dans un récit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'Allah lui a fait descendre le livre, c'est-à-dire qu'Allah lui a révélé le livre et son semblable. Et son semblable. Et le semblable du livre, c'est-à-dire la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que vous allez voir à travers la lecture ou l'apprentissage de certains événements et faits de la vie de l'imam al-Bukhari, vous allez voir que c'est une exhortation et c'est un rappel pour les générations à venir. Et c'est un rappel pour tous les croyants et pour toutes les croyantes. C'est pour cela que j'ai voulu vous faire part de certains faits de la vie de ce grand imam qui a joué un rôle très important et qui a marqué l'histoire, qui a marqué l'histoire de la communauté musulmane. Et du fait de ce grand travail, toute sa vie, il l'a voué à la préservation, la protection et la propagation de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et on voit qu'aujourd'hui, l'imam al-Bukhari est une figure importante de la communauté musulmane et il n'y a aucun livre, que ce soit dans le domaine de la croyance, que ce soit dans le domaine de la jurisprudence, ou que ce soit dans d'autres domaines, qui peut se passer des récits, des hadiths qu'il y a dans l'authentique de l'imam al-Bukhari. On voit que dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de l'aqida, dans le domaine de tawhid, dans le domaine de la croyance, dans le domaine de la jurisprudence, du fiqh, ou d'autres domaines, on voit que les savants se réfèrent et ne peuvent se passer de ce livre, de cet authentique et de ce recueil de hadiths, de ces hadiths-là qu'a compilé ce grand imam Mohammed ibn Ismail al-Bukhari rahimahullah ta'ala. C'est l'une des plus grandes références de notre communauté. Et ce livre-là, l'authentique que nous, avec la grâce d'Allah, nous sommes en train d'étudier une partie de ce livre authentique, ce livre-là est considéré comme le livre le plus authentique. Les savants de la communauté l'ont considéré comme le livre le plus authentique après le Coran. Vous avez vu l'imam al-Bukhari, c'est un personnage historique. Il a joué un grand rôle dans l'histoire de notre communauté, de l'islam. C'est pour ça qu'il est très important de lire la biographie de tel homme. Et vous allez voir que, subhanallah, c'est un rappel, c'est une exhortation pour toutes les générations. Alors, comme on a dit, l'imam al-Bukhari donc, est né en 194 de l'Hégire. Et du fait donc qu'il était orphelin très tôt, alors on a dit que c'est sa mère qui s'est occupée de lui, c'est sa mère qui s'est chargée de son éducation. Et donc c'est sa mère qui a joué un rôle central dans l'éducation de Mohammed ibn Ismail al-Bukhari, de l'imam al-Bukhari. C'est pour ça, c'est un rappel pour nos sœurs, Inch'Allah, le fait que cette femme-là était une femme qui était fervente dans l'adoration d'Allah, c'est une femme qui était très courageuse et elle s'est chargée de l'éducation de cet enfant. Et cet enfant est devenu un imam parmi les plus grands imams de notre communauté. Et comme on a dit précédemment, il a joué un rôle majeur pour la protection et la préservation de la tradition et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Donc l'imam al-Bukhari, il est rapporté qu'à l'âge de 5 ans, donc il avait commencé, il était dans une école coranique et il a appris très tôt le Coran. Donc il apprenait, il mémorisait le Coran. Donc très tôt, sa mère déjà l'avait mis déjà dans une école coranique. Et donc très tôt, à l'âge de 5 ans, il mémorisait, il apprenait le Coran. Et ensuite, comme il est rapporté, et ensuite, l'imam al-Bukhari se sentit beaucoup attiré par la science du hadith. Et ce fut vers l'âge de 10 ans, lorsqu'il a atteint la 10e année, que ce jeune garçon, alors ensuite il a commencé à se consacrer entièrement à l'apprentissage et la mémorisation des hadiths du prophète, alayhi salatu wa salam. Vous avez vu, il a commencé vraiment très jeune. Et très jeune, il avait cette volonté-là, et il avait cette motivation-là, et ce désir-là, d'apprendre et de mémoriser les hadiths du prophète, alayhi salatu wa salam. C'est pour ça qu'il nous est rapporté un récit, déjà très jeune, l'imam al-Bukhari s'était distingué. Un jour, il a rapporté qu'il était auprès de l'un de ses chiirs, et l'un de ses chiirs avait mentionné un hadith. Et vous savez, à l'époque de ces grands imams, eh ben, lorsqu'ils mentionnaient des récits, ils évoquaient des hadiths du prophète, alayhi salatu wa salam, ils les mentionnaient avec les chaînes de transmission. Donc ces hadiths-là étaient mentionnés avec les chaînes de transmission. Et un jour, l'un de ses chiirs, alors que lui était très jeune, il est rapporté qu'il avait à peu près 11 ans, l'un de ses chiirs avait mentionné une chaîne de transmission d'après Sofiane, et il dit d'après Abu Zubayr, d'après Ibrahim. Donc l'auteur avait cité ces noms-là dans la chaîne de transmission. Et lui, l'imam al-Bukhari, ensuite l'a corrigé, puisqu'il a dit que Abu Zubayr ne rapportait pas les récits d'Ibrahim. Donc ce n'était pas possible que ce soit Abu Zubayr. Donc lui, son chir avait mentionné d'après Sofiane, d'après Abu Zubayr, d'après Ibrahim. Et lui, déjà très jeune, il avait corrigé le chir en lui disant que Abu Zubayr ne rapportait pas de récits d'après Ibrahim. Alors son chir, ensuite, il est rapporté qu'il est retourné consulter le livre d'origine pour pouvoir vérifier. Ensuite, lorsque son chir avait vérifié, alors qu'il était très jeune, donc le chir déjà il était étonné, alors que l'imam al-Bukhari était un jeune garçon, comme on l'a dit précédemment, un jeune de 11 ans. Donc son chir il était étonné et il lui a dit « Comment as-tu su cela ?» Et lui, l'imam al-Bukhari, lui a dit, parce que celui qui rapporte de Ibrahim, c'est pas Abu Zubayr, mais c'est Zubayr ibn Adi. Et là, son cheikh lui a dit, tu as dit vrai. Pourquoi? Parce que son cheikh avait vérifié. Et regardez, déjà très jeune, donc déjà l'imam al-Bukhari s'était distingué. C'est pour cela qu'ensuite, lui-même il relate hein, ce fait-là. Et il dit, c'est pour cela qu'à l'âge de 16 ans, l'imam al-Bukhari, il disait qu'il avait déjà appris par cœur les livres de Abdallah ibn al-Mubarak. Il avait appris par cœur les livres de Abdallah ibn al-Mubarak, et aussi il avait appris par cœur les livres de Waqi'a. Et il dit, je connaissais les avis des juristes, c'est-à-dire que lui-même à cet âge-là, il connaissait les avis des fuqaha. C'est pour ça qu'il est dit qu'il connaissait même par cœur certains madhahib. Comme il a rapporté qu'il connaissait par cœur le madhhab al-Hanbalite, par exemple. Donc très tôt, alors lui-même s'est distingué. C'est pour ça qu'il est même rapporté une histoire aussi alors qu'il était jeune. Ta'ajjaba al-talamith ihda al-katatib al-saghira al-waqi'a fi ihda al-mudud yani kan fi Khurasan min amr tifl yatim من أمر طفل يتيم ألا وهو الإمام محمد بن إسماعيل البخاري لأنه كان يتيما دون العاشرة وكان يأتي إلى الكتاب من دون ورقة أو قلم فقد كان الشيخ الكتاب يروي عليهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيسارعون إلى تدوينها إلا ذلك الطفل لم يكن يكتب شيئا على الإطلاق كما قيل على الإطلاق كما قيل ومرت الأيام وهذا الطفل على حاله تلك يأتي في صمت ويعود في صمت حتى جاء ذلك اليوم الذي سخر فيه التلاميذ من هذا الطفل الغريب فنظر الطفل الصغير إليهم نظرة الواثق وقال لهم أخرجوا الكراريس فأخرج التلاميذ الكراريس وهم ينظرون بدهشة لهذا الطفل الصغير الذي بدأ يراجع لهم الأحاديث التي كتبوها على مدى أشهر حديثا حديثا، وهم يطابقون صحتها في كتبهم. فراجع لهم هذا الطفل الصغير الذي لم يبلغ العشرة من عمره إلى آخر القصة. Il a rapporté une histoire de l'imam al-Bukhari aussi, alors qu'il était jeune, alors qu'il avait, certains disent qu'il n'avait même pas atteint la dizaine d'années, qu'il avait même pas encore, qu'il avait à peu près la dizaine d'années, donc très tôt. Ils disent que dans une ville de Al-Khurasan, alors que lui, il visitait les endroits où ils écrivaient le hadith, et il assistait déjà aux assises où ils écrivaient le hadith. Donc il était avec ses camarades, il est rapporté, et ses camarades donc écoutaient les hadiths de leur shir et ils transcrivaient tout, ils écrivaient tous les hadiths, tout ce qu'ils entendaient de leur shir. Donc ils l'écrivaient et le notaient. Donc ils avaient tous leur waraqa, ils avaient tous leur qalam. Par contre, ils s'étonnaient toujours d'un petit, ils disent un tifl, un jeune garçon qui était orphelin, un petit orphelin. Et c'était l'imam al-Bukhari. Il s'étonnait toujours de ce petit orphelin, du fait que lui venait, mais il n'avait pas de quoi écrire. Et lorsqu'il venait, il s'asseyait, il venait avec silence, et il repartait avec silence. Avec silence. فَكَانَ يَأْتِي فِي صَمْتْ وَيَعُودُ فِي صَمْتْ. Donc il venait avec silence, et il repartait avec silence. حَتَّى جَاءَ ذَلِكَ الْيَوْمْ. Alors les gens s'étonnèrent jusqu'à ce qu'il est venu un jour où les élèves se moquaient de lui. Ils se moquaient de ce petit jeune étrange qui venait très discret, avec silence. Hein. Donc l'imam al-Bukhari était connu, il avait une personnalité qui était discrète, il était très discret. Donc un jour ses camarades se sont moqués de lui. Se sont moqués de lui et du fait qu'ils ont vu qu'il n'écrivait pas. Alors lui, il a dit, un jour il leur a dit, sortez vos parchemins dans le sens que vous avez écrit. Sortez tout ce que vous avez écrit. Alors ils ont tous sorti ce qu'ils ont écrit. Et eux ensuite, ils regardaient avec stupéfaction ce jeune garçon qui leur a dit, sortez tout ce que vous avez écrit. Donc certains rapportent qu'il y avait plus de 5000 hadiths qu'ils avaient écrits. Et lui, ensuite, il les a tous récités. Il leur a tout récité. Enfin, il a mentionné et évoqué tous ces hadiths. Bimutuniha wa asanidiha. Que ce soit l'énoncé du récit ou bien les chaînes de transmission de ces récits. C'est pour cela que déjà tout jeune, l'imam al-Bukhari s'était distingué. C'est pour cela que même certains se sont posés sur la question, sur cette chose que pour beaucoup d'historiens, certains, lorsqu'ils parlent de la vie de l'imam al-Bukhari, ils disent que sa mémorisation était hors du commun. Et certains même se demandaient, quel était le mystère de cette mémorisation, qui était vraiment hors du commun. Et il est rapporté dans certains faits, certaines histoires qui rapportent que déjà très jeune, l'imam al-Bukhari avait perdu la vue. Et ça, c'était une grande épreuve pour sa mère. Il est rapporté alors qu'il était petit garçon, était très jeune. فقد عمي في صغره ففقد بصره بالكلية فأخذت أمه تبكي على ابنها الوحيد بكاء شديدا وتدعو الله أن يرجع له أو أن يرجع له بصره وفي ليلة من الليالي رأت تلك الأمة أو تلك الأم الصالحة في المنام نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام فقال لها يا هذه قد رد الله على ابنك بصره فاستيقظت الأم من نومها وأسرعت إلى طفلها لتجد أن بصره قد عاد إليه. Alors, il y a une histoire qui nous est rapportée, comme on l'a dit précédemment. Il est rapporté que l'imam al-Bukhari, alors qu'il était tout jeune, un jeune garçon, il avait perdu la vue. Et il est dit, فَقَدْ فَقَدَ بَصَرَ بِالْكُلِّيَّ. Et d'une manière totale. Il avait vraiment perdu la vue et il était devenu aveugle, alors que c'était un jeune garçon. Et cela fut une terrible et grande épreuve pour sa mère. Donc il est rapporté que sa mère pleurait. Et كانت تبكي, et à l'époque elle avait que ce garçon, كانت تبكي على ابنها الوحيد بكاء شديدا. Et c'était vraiment des pleurs, vraiment des pleurs de malheur. Et en quelque sorte, يعني بكاء شديدا. وكانت تدعو الله أن يرجع له بصره. وكانت تدعو الله أن يرجع له بصره. فرجع الله سبحانه وتعالى بصره. Et il est rapporté qu'elle pleurait donc, comme on a dit précédemment, et elle invoquait constamment Allah. Elle implorait Allah qu'il fasse revenir la vue de son fils, qu'il lui rende la vue à son fils. C'est pour ça, dans cette narration, dans cette histoire-là, il est rapporté que في ليلة من الليالي, il s'est produit une nuit où sa mère, la mère de l'imam al-Bukhari, a vu en songe, alors qu'elle dormait, elle a vu en rêve cette femme pieuse et vertueuse qui ne cessait d'invoquer Allah pour que la vue de son fils puisse revenir. Alors, elle vit en rêve, comme il est rapporté, le prophète d'Allah, Khalilullah, l'ami Adsim d'Allah, le prophète Ibrahim, alayhi salam. Et il est rapporté dans ce rêve que le prophète Ibrahim s'adresse à elle en disant فَقَالَ لَهَا يَا هَذِهِ قَدْ رَدَّ اللَّهُ عَلَى بِنِكِ بَصَرَهُ فَاسْتَيْقَظَتْ الْأُمْ. Alors il est rapporté que Ibrahim al-Khalil ensuite a dit à cette femme dans son rêve, il lui dit يَا هَذِهِ Allah a certes rendu la vue à ton enfant. Alors il est rapporté qu'ensuite فَاسْتَيْقَظَتْ, elle s'est réveillée. Et lorsqu'elle s'est réveillée, فَأَسْرَعَتْ إِلَى طِفْلِهَا, tout de suite elle s'est précipitée. Elle s'est précipitée et elle est partie voir donc son enfant pour voir. Et lorsqu'elle vit son enfant, alors elle a constaté que la vue était revenue. Donc Allah Jalla wa Ala avait rendu la vue à ce petit garçon qui était l'imam al-Bukhari. C'est pour cela que certains même ils ont dit, vous avez vu qu'il est connu que lorsque une personne perd l'un de ses sens, alors les autres sens peuvent se décupler. Et lui, l'imam al-Bukhari, fait partie de ceux qui ont perdu un sens. Donc beaucoup disent que lorsqu'on perd un sens, alors les autres sens se décuplent. Là, on parle des cinq sens, hein, qu'Allah Jalla wa Ala a donné à l'homme. Ces bienfaits dont Allah Jalla wa Ala a comblé à l'homme, ces sens-là. Et donc, lorsqu'on perd un sens, d'autres sens peuvent se décupler. Et lui, l'imam al-Bukhari, donc, il fait partie de ceux. Il est celui qui a perdu un sens. Donc, d'autres sens se sont décuplés. Et ensuite, il va retrouver ce sens. Retrouver ce sens-là. Et ça, c'est une histoire qui est rapportée. C'est un fait, un événement qui est rapporté de sa vie. Et donc, pourquoi? Parce que c'était un homme hors du commun du fait qu'il mémorisait d'une manière qui était vraiment, vraiment exceptionnelle. C'est pour cela que certains savants, ils ont relaté ce fait-là de sa vie. Et vous avez vu, sa mère était vraiment touchée par cela. Et sa mère était connue, comme on l'a dit. C'était une femme qui était une adoratrice, qui était fervente dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle n'a jamais cessé d'invoquer en faveur de son fils pour qu'il retrouve la vue. Et de ce fait, plus tard, l'imam al-Bukhari, lorsqu'il va parler de son périple, de sa quête de ilm et de savoir, il est rapporté qu'il a rencontré plus de 1000, plus de 1000 hommes. Dans certaines variantes, lui-même, il dit qu'il a rencontré plus de 1080 personnes, individus, de qui, justement, il a pris des récits et des hadiths. Ces 1000 hommes qu'il a rencontrés dans différentes contrées, certains qu'il a rencontrés au Hijaz, d'autres qu'il a rencontrés en Irak, d'autres qu'il a rencontrés au Chem, d'autres en Égypte. Et il dit certains les a rencontrés plus d'une fois. Par exemple, les gens du Chem et d'Égypte et de la péninsule arabique, par exemple, certains les a rencontrés plus d'une fois. Certains, par exemple, Al-Basra plutôt, certains qu'il a rencontrés au Hijaz, alors il les a rencontrés de nombreuses fois. Et lorsque lui-même raconte ses périples, il dit qu'il s'est rendu, par exemple, de nombreuses fois en région de Al-Koufa, en Irak. Il s'est rendu de nombreuses fois à Bagdad et à Khorasan, bien sûr, puisqu'il venait de cette région. Donc, il a visité de nombreux pays. Il a parcouru des contrées et des contrées pour pouvoir justement rapporter, compiler, recueillir des hadiths du prophète et vérifier la fiabilité de ses récits. Et justement, comme on l'a dit précédemment, lui-même, on a dit parmi sa nature, c'est qu'il était d'une nature discrète. Donc c'était quelqu'un de très discret. Et depuis sa tendre enfance, il avait reçu une éducation, vraiment une bonne éducation de sa mère. Et c'est pour cela que c'était vraiment un enfant qui était vraiment bien éduqué. Et depuis son enfance, donc, comme on l'a dit précédemment, il avait reçu une parfaite éducation. Et c'est pour cela que les gens ne l'oubliaient pas. Lorsqu'ils rencontraient ce Mohammed ibn Ismail, il était difficile pour eux de l'oublier. Et surtout avec sa grande intelligence, son extraordinaire capacité de mémorisation, tout cela faisait que les gens ne pouvaient l'oublier lorsqu'il le rencontrait. C'est pour cela que il nous a rapporté de nombreux faits qui prouvent justement cela. Il est rapporté que un jour, lui-même il dit, alors qu'il était parti en terre d'Irak et surtout dans cette région de Al-Basra, alors il s'est rendu dans les assises d'un shir. Et déjà à cette époque, déjà alors qu'il était tout jeune, hein, qu'il était tout jeune, déjà à cette époque, ça y est, l'imam al-Bukhari était devenu célèbre. Était devenu célèbre. Et comme on a dit précédemment, les gens ne pouvaient l'oublier. Et donc, du fait qu'il était célèbre, il dit un jour, alors qu'il était arrivé en terre de Al-Basra, il dit, je me suis rendu aux assises d'un grand savant de Al-Basra. Et lorsqu'il était assis dans cette assise-là, il dit, les yeux de ce cheikh se sont posés sur lui. Et ce cheikh-là ensuite s'est interrogé. Il ne le connaissait pas. Alors il interrogea les gens et dit, mais d'où vient ce jeune homme? Donc déjà l'imam al-Bukhari était toujours un jeune homme. Alors les gens lui ont dit, il vient de al-Bukhara, de cette terre de al-Bukhara. Alors le cheikh ensuite s'adresse à lui. Il lui a dit, comment as-tu pu délaisser Abu Abdillah? Et comme on l'avait dit dans la dernière allocution, lorsqu'on avait parlé de la généalogie de l'imam al-Bukhari, on avait dit que sa kunya c'était Abu Abdillah. On avait dit qu'il était Abu Abdillah, Mohammed ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughira ibn Bardizbah al-Ju'afi, comme on avait mentionné. Et donc sa kunya c'était Abu Abdillah. Donc le cheikh lui dit, comment as-tu pu délaisser Abu Abdillah? Il voulait sous-entendre l'imam al-Bukhari puisqu'il avait entendu parler de lui. Et là, lui-même, il dit, je me tue, j'ai gardé le silence. Donc déjà, jeune homme, regardez, c'était quelqu'un de discret, il avait une éducation, il avait vraiment une très belle éducation. Donc il a gardé le silence, il n'a rien dit. Et c'est les gens qui étaient présents qui ont dit, Rahimakallah. Ils ont dit au shir, Rahimakallah, ya shir. Qu'Allah t'accorde sa miséricorde. C'est Abu Abdillah en personne qui est devant toi. Alors le cheikh s'est étonné. Il était tellement stupéfait qu'il s'est levé. Et il a pris l'imam al-Bukhari par la main. Il le serra dans ses bras. Et puis il lui dit, Bienvenue à celui que je vante depuis des années. Donc regardez, subhanallah, l'imam al-Bukhari était déjà célèbre à cette époque-là, alors qu'il était jeune. Parce qu'il s'est distingué très tôt. Et c'est pour cela, comme on a dit précédemment, l'imam al-Bukhari a eu de nombreux enseignants. Comme on a dit, il dit qu'il a écrit le hadith venant plus de 1080 hommes. Et lui-même, il disait, parmi eux, il n'y avait que des gens du hadith, parmi ces hommes-là. Et tous avaient la conviction et professaient que l'iman, que la foi, c'est la parole et l'action. Et cette foi-là, elle augmente et elle diminue. Donc vous avez vu, il prenait justement, il disait qu'il écrivait ces récits-là, de ces mashayikhs-là, des gens de la sunna. Et c'est pour cela que parmi ses enseignants, il est célèbre que l'imam Ahmed ibn Hanbal, le grand émérite et le grand imam, parmi les plus grandes références, parmi les traditionnistes et les savants du hadith de notre communauté, l'imam Ahmed ibn Hanbal était et faisait partie de ces mashayikhs. Et c'est pour cela que l'un des contemporains de l'imam al-Bukhari, va relater justement cette histoire qui est célèbre, cette célèbre histoire, lorsqu'il est rapporté que l'imam al-Bukhari, eh ben, il fit ce voyage, un voyage à Bagdad. Et cette histoire-là, que lorsqu'il fit ce voyage à Bagdad, vous pouvez la retrouver, c'est une histoire qui est célèbre. Faqal al-Hafidh Abu Ahmed ibn Adi. C'est le grand érudit savant Abu Ahmed ibn Adi qui relate cela dans l'histoire Tarikh Bagdad. Et aussi, vous pouvez la retrouver dans Wafayat al-A'yan. Wafayat, dans le livre, Wafayat al-A'yan et autres livres encore. Il dit lui-même, al-Hafidh Abu Ahmed ibn Adi, Sami'atu 'iddata mashayikh. يحكون أن محمد بن إسماعيل البخاري قدم بغداد فسمع به أصحاب الحديث فاجتمعوا وأرادوا امتحان حفظه فعمدوا إلى 100 حديث وقلبوا متونها وأسانيدها وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخر وإسناد هذا المتن لمتن آخر ودفعوا إلى 10 أنفس إلى كل رجل 10 أحاديث إلى آخر القصة. Et de là, ils vont mentionner cette célèbre histoire que lorsque l'imam al-Bukhari est arrivé à Bagdad, dans l'un de ses voyages, donc lorsqu'il arrive à Bagdad, les grands savants du hadith de Bagdad avaient entendu parler de l'imam Mohammed ibn Ismail al-Bukhari. Ils avaient entendu parler, l'imam al-Bukhari avait déjà une notoriété. Donc les ashab al-hadith, les spécialistes, de ce domaine-là du hadith, voulait tester réellement la mémorisation et la fiabilité de l'imam al-Bukhari. Donc il est rapporté dans cette histoire, et j'ai donné les références hein, de ceux qui rapportent cela, l'érudit Abu Ahmed ibn Adi, hein, donc c'est rapporté, et lui-même, celui qui rapporte cette histoire, il dit « Sami'atu 'iddata mashayikh ». J'ai entendu plusieurs mashayikh qui relatent cette histoire et cet événement, que lorsque Mohammed ibn Ismail al-Bukhari est arrivé à Bagdad, donc les spécialistes du hadith ont voulu le tester et donc l'ont mis à l'épreuve. Donc ils se sont réunis, donc ils ont voulu le tester et le mettre à l'épreuve. Et c'est là que la célèbre histoire, lorsqu'ils ont réuni 10 personnes, et ils ont pris 100 hadiths. 100 hadiths. Et chacune de ces personnes avait pris 10 hadiths et devait changer la chaîne de transmission avec l'énoncé du hadith. Et ensuite, ils ont récité ces récits-là. Donc, je vous la raconte très brièvement. Hein. Ils ont récité ces récits-là à l'imam al-Bukhari. Et à chaque fois, il leur disait qu'il ne connaissait pas. Il disait, La a'rifuhu. Alors, un autre ensuite lui récitait cela. Fas'alahu an hadith min tilka al-ahadith. Et lui demandait, Faqala al-Bukhari, La a'rifuhu. Et le Bukhari, à chaque fois qu'il lui mentionnait ces récits-là, ces hadiths-là, alors il disait, La a'rifuhu. À savoir que dans cette assise, fahadara majlisa jama'atu min ashab al-hadith, min al-ghuraba min ahli Khurasan wa ghayriha wa min al-baghdadiyyin. Et à savoir que dans cette assise, il y a beaucoup de gens qui avaient assisté, beaucoup de spécialistes de hadith et d'étudiants dans le hadith. Il y avait des gens qui venaient de Khurasan, il y avait des gens qui venaient de Bagdad et d'autres. Donc beaucoup assistent à cela. Et à chaque fois, donc l'un qui avait 10 hadiths, donc il lui mentionnait les hadiths, avec bien sûr les changements qu'ils ont faits, hein, la transformation qu'ils ont faite. Et l'imam al-Bukhari, lorsque cela lui était mentionné, disait, La arifuhu, je ne connais pas. Alors un autre ensuite le questionne et lui mentionne les hadiths, et l'imam al-Bukhari continue à dire, La arifuhu. Wa mazala yulqi alayhi wahidan ba'da wahid, hatta fara min ashratih. Wal-Bukhari yaqul, La arifuhu. Et celui qu'il questionnait, il ne cessait de lui réciter des hadiths, l'un après l'autre, et l'imam al-Bukhari, kana yaqul, La arifuhu. Alors, les gens qui étaient présents, même certains fuqaha, des juristes, min man hadar al-majlis, yaltafitu ba'duhum ila ba'd. Et les gens se posaient la question, ils se disaient, mais subhanallah, à chaque fois qu'il lui récitait un récit, eh bien, il dit, La arifuhu. Sauf qu'ensuite, l'imam al-Bukhari, lorsqu'ils vont lui donner la parole, ensuite, après cela, il va leur dire pourquoi, justement, il disait qu'il ne connaissait pas ses récits, qu'il ignorait ses récits. Et là, ensuite, il va reprendre chacun de ces récits qui lui ont été mentionnés et il va remettre les chaînes de transmission à leur énoncé et il va citer les 100 hadiths. Il va corriger cette centaine de hadiths qui lui a été récité, il va corriger les chaînes de transmission et les énoncer. Et là, les gens vont rester ébahis, étonnés. Et c'est pour cela que l'imam al-Bukhari, donc vous avez vu, il s'est vraiment, vraiment distingué. Et regardez par exemple, Al-Jami' al-Sahih, cet authentique qu'il a écrit, ce livre dont on va étudier une partie si Allah nous le permet. Il a mis 16 ans. Il a mis 16 ans pour l'écrire. Et sachez que toute sa vie, donc c'était sa vie, il l'a donnée pour les hadiths du prophète. Sa vie, il l'a donnée pour la préservation et la protection de la sunna du prophète. Il a donné toute sa vie pour ça, pour le hadith du prophète. Toute sa vie, alors qu'il avait reçu, à l'époque, son père il disait qu'il avait laissé une richesse, il avait reçu un héritage de son père, il a mis tout cela dans la science du hadith. Pour apprendre les hadiths et les mémoriser, les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela qu'il est rapporté que lui, il avait pris plus de 600 000 hadiths. Il avait pu rapporter et répertorier plus de 600 000 hadiths. Mais pourtant, il va que conserver dans son livre authentique 700, ou plutôt, pardon, 7 000, un peu plus de 7 000 hadiths. Certains disent 7 377 hadiths. Donc regardez dans son authentique, de ces 600 000 hadiths qu'il a répertoriés, il va conserver 7 000, un peu plus de 7 000 hadiths, et c'est ces hadiths-là qui vont composer justement cet ouvrage qui est considéré par les grands savants de la communauté comme l'ouvrage le plus véridique et le plus authentique après le livre d'Allah, Subhanallah. Et cette compilation-là, cette œuvre-là, il dit, il a mis une période de 16 ans. Il a mis 16 ans pour faire cela. Et cette idée-là, beaucoup rapportent que cette idée-là, le fait d'avoir l'idée de faire un livre pareil, de réunir des hadiths du prophète, et regardez, alors qu'il dit lui-même qu'il avait répertorié plus de 600 000 hadiths, et il en a choisi un peu plus de 7 000. Pour que cela compose son livre authentique. Son livre authentique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ces 7 000 qui sont authentiques, mais lui, il a fait le choix de ces hadiths-là. C'est pour cela qu'il est rapporté que lui-même disait qu'il avait mémorisé à peu près 100 000 hadiths, qu'il avait mémorisé 100 000 hadiths authentiques, et aussi qu'il avait mémorisé 200 000 hadiths non authentiques. Des hadiths qu'il considérait comme faibles. Donc vous avez vu, c'est un peu plus de 700 ou 7 000 plutôt, 7 300 hadiths. Ce n'est pas les seuls hadiths que lui considérait authentiques, mais il a composé son livre authentique, Jami' al-Sahih, de ces hadiths-là. Sinon, il connaissait d'autres hadiths authentiques. C'est pour cela que pendant une période de 16 ans, 16 années, eh ben, il va travailler très durement pour composer ce livre authentique. Et certains disent que l'idée, de faire, de rédiger un livre authentique et de recueillir et de faire un livre qui serait concis, bref, et qui serait composé que de hadiths authentiques, certains rapportent, certains historiens et biographes rapportent que c'est un jour, il est rapporté un fait, un événement, un jour alors que l'imam al-Bukhari était jeune, c'était un jeune garçon, il assista à une assise du grand savantissime, du grand imam Ishaq ibn Rahawai, qui fait partie des grandes références dans la jurisprudence, dans la science de la jurisprudence, c'était un grand juriste, c'est l'un des plus grands savants de son temps. Et c'est lui dont on a mentionné une des paroles lorsque Ishaq ibn Rahawai, ce grand imam, alors que l'imam al-Bukhari était déjà tout jeune, il disait aux gens, écrivez de ce jeune homme, apprenez de lui. Et bien il est rapporté dans une de ses assises, Ishaq ibn Rahawai avait dit, لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوقع هذا القول في قلب البخاري فأخذ في جمع الكتاب Et donc il est rapporté que Ishaq ibn Rahawai dans cette assise, il avait dit si seulement vous réunissez un kitab résumé qui serait composé que de hadiths authentiques du prophète, alayhi salatu wassalam. Il est rapporté ensuite que cela, a touché le cœur de l'imam al-Bukhari. Alors c'est pour cela qu'ensuite il a commencé et il s'est efforcé de réunir et de composer ce livre-là, ce recueil-là. Il est même rapporté aussi dans une histoire, dans un événement, qu'il est rapporté que l'imam al-Bukhari lui-même a vu en songe, alors qu'il dormait, il a vu en rêve le prophète, alayhi salatu wassalam. Et de ce rêve, ensuite, lorsqu'il va demander à des savants de lui traduire ce rêve ou de lui expliquer ce songe, alors les gens vont dire qu'il va protéger la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, du mensonge. Et c'est pour cela que, vous avez vu, très jeune, donc l'imam al-Bukhari avait ce souci déjà de préserver la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors c'est pour ça qu'il dit que lorsqu'il a fait ce travail de 16 années, 16 ans, il dit « Je n'ai pas inscrit dans mon livre un seul hadith sans avoir préalablement accompli mes ablutions. » C'est-à-dire qu'avant de mettre un hadith dans son authentique, il faisait d'abord avant cela les ablutions. Ensuite, il priait deux unités de prière. Et c'est pour ça que lui-même, l'imam al-Dhahabi, il relate, il dit, l'imam al-Dhahabi dit que l'imam al-Bukhari, lorsqu'il écrivit son livre, il accomplissait deux unités de prière avant même de nommer un chapitre aussi, lorsqu'il voulait nommer aussi un chapitre. Donc vous voyez, le travail de l'imam al-Bukhari, c'était un travail de rigueur. Il s'est vraiment attaché à cette tâche-là, avec rigueur. Et il disait lui-même, parmi les bons comportements et les bonnes qualités qui sont rapportées de l'imam al-Bukhari, c'est qu'il est rapporté que lui-même disait que j'espère rencontrer Allah sans qu'il ne me juge pour avoir médit de qui que ce soit. C'est-à-dire, lorsqu'il dit j'espère rencontrer Allah et sans qu'il ne me juge pour avoir médit, c'est-à-dire commis de la médisance sur qui que ce soit, alors que c'était un imam de la critique et de l'éloge. Pourquoi? Parce que lui, il vérifiait les chaînes de transmission et il vérifiait scrupuleusement l'intégrité et la fiabilité de ceux qui rapportaient les récits et de qui il allait prendre et rejeter les récits. Donc lui, c'était sa fonction, c'était son travail de vérifier la fiabilité des gens. Est-ce que ces gens-là rapportaient des hadiths du prophète, mais des récits du prophète avec exactitude? Est-ce qu'ils étaient véridiques ou bien est-ce qu'ils étaient des menteurs, des forgeurs, des inventeurs de récits du prophète? Donc lui, c'était son travail. Malgré cela, regardez, lui donc, il devait remettre en cause l'intégrité ou bien l'honnêteté de certains rapporteurs parce qu'il acceptait ou rejetait des récits qui étaient rapportés. Donc lui devait connaître la situation et le hal, donc des différents rapporteurs. Malgré cela, il disait « J'espère rencontrer Allah sans qu'il ne me juge pour avoir médit qui que ce soit. » Et l'imam al-Dhahabi, lorsqu'il a mentionné cela, l'imam al-Dhahabi lui-même, il dit « Et effectivement, l'imam al-Bukhari a dit vrai. » Et c'est vrai que c'est connu dans l'aïm al-hadith, chez les savants du hadith, que c'est connu que l'imam al-Bukhari était très attentif, très minutieux dans sa manière de juger les hommes et dans ce qu'il disait au sujet des hommes. C'est pour ça qu'il utilisait une manière de critiquer les hommes qui était très subtile. Et c'est pour cela qu'il est rapporté, comme lui-même dit l'imam al-Dhahabi, il disait que, par exemple, l'imam al-Bukhari ne traitait pas les gens de menteurs. Il n'insultait pas les gens de menteurs. Et les grands savants, par exemple, lorsque l'imam al-Bukhari, par exemple, disait d'un homme que cet homme est douteux, que, par exemple, cet homme, pour connaître sa situation, ça nécessite réflexion. Par exemple, il disait en arabe, fihi nadhar, wa hadha munkar, par exemple. Alors, les savants savaient que ces paroles-là de l'imam al-Bukhari en disaient beaucoup. En disaient beaucoup. Du fait que l'imam al-Bukhari était très, très scrupuleux dans sa manière de s'exprimer. Et c'est pour cela que celui qui se penche sur les propos de l'imam al-Bukhari dans le domaine de la critique et de l'éloge, il peut se rendre compte à quel point donc l'imam al-Bukhari était très réservé dans ses propos. Et juste vis-à-vis de ceux qu'il considérait par exemple comme faibles dans la narration, ceux qui considéraient qu'ils étaient daïfs, alors il avait une manière. Il avait une manière de s'exprimer, il était très réservé dans ses propos, mais ça en disait beaucoup. Ça en disait beaucoup. Par exemple, il pouvait dire au sujet d'un narrateur, son discours est répréhensible. Il s'exprimait de cette manière-là, son discours est répréhensible. Ou bien il disait au sujet d'une autre personne, les gens se sont tués à son sujet. Par exemple, il est douteux. Alors lorsqu'il disait qu'il est douteux, ça voulait en dire beaucoup. Et très rarement, comme on a dit précédemment, très rarement, par exemple, il disait un tel est un menteur. Ou bien un tel inventait, forgeait des hadiths. Il le disait très rarement. Et il en arrivait à dire parfois, si tu dis un tel est douteux sur ce hadith, cela reste une accusation. C'est une accusation. C'est pour cela que il était très scrupuleux sur cela et il était très prudent. Et c'est ça le sens de sa parole lorsqu'il dit, j'espère rencontrer Allah sans qu'il ne me juge pour avoir médit, commis de la médisance sur qui que ce soit. Et ça, c'était le summum de. Ça fait partie vraiment de la piété. Et c'est pour cela qu'il est rapporté que Mohammed ibn Ismail, l'imam al-Bukhari, avait trois qualités. Il avait trois qualités qui étaient vraiment spécifiques. Et en plus de cela, de tout ce qu'on vient de mentionner, donc, il avait des qualités. Trois qualités qui étaient spécifiques. Premièrement, il est rapporté de lui qu'il ne parlait peu. L'imam al-Bukhari, il est rapporté de lui qu'il parlait que très peu. Deuxièmement, il est rapporté qu'il ne convoitait pas les biens des autres. Et aussi, troisièmement, il ne s'occupait pas des affaires des gens. Toute sa personne, il l'avait vouée à la science, à l'apprentissage de la science. Regardez l'imam Bukhari, il était décrit de cette manière. C'est une personne qui parlait peu, c'est une personne qui ne convoitait pas les biens des autres. Il s'occupait que très peu des affaires des gens, mais ce qui était important pour lui, c'était de se concentrer sur l'apprentissage de la science. Et c'est pour cela, du fait qu'il est l'homme qui a joué un grand rôle dans l'histoire de la nation musulmane, comme on l'a dit tout à l'heure, donc il avait une notoriété. L'imam al-Bukhari ensuite est devenu très célèbre. Il était connu pour sa fiabilité, il était connu pour son exactitude dans sa narration des hadiths du prophète, il était même connu pour sa maîtrise de ses récits. C'est pour cela qu'un grand imam de cette époque, à l'époque, il disait, un hadith que l'imam al-Bukhari ne connaît pas, ce n'est pas un hadith. Regardez, tellement les gens connaissaient la grandeur de cet imam et sa maîtrise et sa connaissance de l'imam al-Bukhari. Alors à l'époque, il disait un hadith que l'imam al-Bukhari ne connaît pas, ce n'est pas un hadith. Et tellement, tellement il avait une célébrité, une notoriété. Regardez un jour un fait qu'il est rapporté de l'imam al-Bukhari. Il est rapporté qu'un jour, alors qu'il était en voyage, Et c'est un voyage aussi qui était pour la science. Il était en quête de savoir et il ne faisait que voyager. Voyager pour justement aller chercher les hadiths du prophète et vérifier. C'est un travail aussi de vérification des hadiths du prophète. Alors il est rapporté qu'un jour, alors qu'il avait embarqué sur un bateau, sur un navire, et il avait une somme d'argent avec lui. Dans l'histoire, il est relaté qu'il avait une somme de 1000 dinars avec lui. Et ensuite, il a fait la connaissance avec un homme qui était à bord avec lui. Et ensuite, une fois qu'il avait fait connaissance avec cet homme, et l'homme d'une manière apparente, il semblait l'apprécier. Et donc, l'imam al-Bukhari discutait avec lui. Et donc, il y a eu un bon rapport entre les deux, jusqu'à ce que cet homme, donc ensuite, fût au courant que l'imam al-Bukhari avait une somme de 1000 dinars avec lui. 2000 dinars avec lui. Alors, quand cet homme qui avait fait connaissance avec l'imam al-Bukhari, et l'imam al-Bukhari lui avait fait confiance, et lorsqu'il a su donc que l'imam avait 1000 dinars, alors un jour cet homme, il est rapporté dans l'histoire, qui s'est levé et il se met à crier. Il se met à crier. Alors les gens se sont rassemblés autour de lui. Ils lui ont dit, pourquoi tu te comportes de la sorte? Qu'est-ce qui se passe? Alors il dit qu'il a perdu de l'argent. Il a prétendu qu'il avait perdu une somme d'argent. Et cette somme d'argent qu'il a prétendu avoir perdue, il dit, c'est une somme de 1000 dinars. Or, il savait, or c'était faux, c'était un mensonge, mais il savait que cet homme, Mohammed ibn Ismail, avait 1000 dinars sur lui. Alors les gens ont commencé à fouiller les passagers. Les passagers qui étaient à bord du navire, ils ont commencé à fouiller tous les passagers. Alors lui, l'imam al-Bukhari, lorsqu'il vit cela, alors il a pris la somme d'argent et l'a jeté en mer. Alors lorsque c'est arrivé donc son tour, alors il fut fouillé et les gens n'ont rien trouvé. Alors les gens, ils ont commencé à blâmer cet homme-là, cet homme qui avait prétendu avoir perdu de l'argent, etc. Il a commencé à être blâmé. Alors lorsqu'il s'est retrouvé avec l'imam al-Bukhari, il a dit, cet homme dit à l'imam al-Bukhari, pourquoi as-tu jeté cette somme d'argent? Il était étonné que l'imam al-Bukhari, il a sacrifié. Il a préféré sacrifier cet argent. Regardez l'intelligence de l'imam al-Bukhari. L'imam al-Bukhari lui a répondu, ô ignorant, ô toi l'ignorant, ne sais-tu pas que j'ai passé toute ma vie, à collecter les hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc il lui fait part que toute sa vie, elle était consacrée pour collecter les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui dit, je suis quelqu'un connu comme étant digne de confiance. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'une personne digne de confiance qui peut faire cette tâche-là et justement répertorier les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il dit, penses-tu que je vais m'exposer à une accusation de vol et perdre tout ceci, tout ce travail qu'il a fait toute sa vie à répertorier, à collecter les hadiths du messager d'Allah, et pour cette somme d'argent, il va tout faire tomber et tout perdre, ce mérite-là. Alors c'est pour cela qu'il dit, pour ces quelques dinars, il dit qu'il a préféré les jeter en mer. Et regardez cette intelligence, et regardez pourquoi. Parce qu'il avait tellement ce but-là, cet objectif-là de protéger, de collecter les hadiths du prophète, de travailler, d'être au service de la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il ne pouvait pas en remettre en cause tout ce travail-là. Donc il a préféré jeter cette. Pour eux, à l'époque, 1000 dinars, c'était une grande somme d'argent. Eh bien, il l'a jeté en mer. Parce que pour lui, tout ce travail qu'il a fait au service de la sunna du prophète était plus important que ces 1000 dinars. Et de ce fait, il est même rapporté de lui, au niveau de l'adoration. Au niveau de l'adoration, il était très fervent dans l'adoration. Ce n'était pas seulement au niveau de la science qu'il était connu. Il était connu aussi pour son adoration. C'est pour cela qu'il est rapporté, alors qu'un jour, il était invité chez des gens qu'il connaissait. Alors, à un moment, il s'est mis à prier. Après qu'il ait dirigé la prière obligatoire, l'histoire rapporte que c'était la prière du dhuhr. Alors, après qu'il ait dirigé cette prière, alors il a commencé à prier des prières surrogatoires. Et pendant qu'il faisait cette prière-là, il a été piqué. Il a été piqué à plus de 17 endroits de son corps. Et son corps s'était mis à enfler. Son corps s'était mis à gonfler. Alors ensuite, c'est lorsqu'il a fini sa prière, c'est que là, ses camarades qui étaient avec lui, hein, ses compagnons qui étaient avec lui, il leur a demandé de regarder et c'est là qu'ils ont vu qu'il a été piqué et que son corps était gonflé. L'histoire relate 16 plutôt, 16 endroits. 16 endroits. Donc il a été piqué à 16 endroits différents de son corps. Et là, ses compagnons se sont étonnés, ils lui ont dit, pourquoi n'as-tu pas arrêté ta prière? Et lui, il leur répondit, alors que je récitais une sourate, il dit, je souhaitais terminer la récitation de cette sourate. Et c'est pour cela qu'il n'avait pas interrompu cette prière surrogatoire, tellement qu'il était plongé dans cette lecture et dans la méditation de cette lecture. Et tellement que cet homme est un homme important, l'imam al-Bukhari, tellement que c'est un homme important, il y a un homme de l'époque, un grand savant, Yahya ibn Ja'far. Un homme de l'époque, Yahya ibn Ja'far, il disait, si je pouvais rajouter des années de la vie de Mohammed ibn Ismail en lui donnant des années de ma vie à moi, de la mienne, alors il dit, je le ferais. Je le ferais. Il dit pourquoi? Parce qu'il disait que ma mort, ça serait que la mort d'un homme normal, d'un homme comme les autres. Mais il dit, tandis que la mort et la perte de l'imam al-Bukhari, ça correspond à la perte de la science et du savoir. C'est pour ça que cet homme, c'est un homme très intelligent pour qu'il pense de cette manière, Yahya ibn Ja'far disait donc s'il pouvait donner des années de sa vie pour que la vie de l'imam al-Bukhari soit rallongée, et plus grande, il le ferait parce qu'il considérait que sa vie, la perte et sa mort à lui, c'est juste la perte d'un homme normal. Mais la perte de l'imam al-Bukhari, c'est la perte de la science. Et pour terminer, c'est pour ça qu'il est relaté que plus tard, lorsque l'imam al-Bukhari reviendra à Al-Bukhara, il est rapporté que plus tard, alors qu'il avait 42 ans, il reviendra à Al-Bukhara. Il est revenu dans cette cité. Et les gens s'étaient réunis pour l'accueillir. S'étaient réunis pour l'accueillir. Et à l'époque, il est rapporté que lorsqu'il est revenu, justement, donc sa mère était décédée. Sa mère était décédée, qu'Allah lui accorde sa miséricorde. Regardez cette femme. Aujourd'hui même, cette femme est dans les livres d'histoire, du fait que son fils a marqué l'histoire de la nation musulmane. Son fils, son nom sera mentionné, il a qiyam sa'a. Les musulmans ne peuvent se passer de l'authentique de l'imam al-Bukhari. Tous les grands savants de toutes les générations après l'imam al-Bukhari se sont tous référés, se réfèrent tous à l'authentique de l'imam al-Bukhari. Et sans compter ensuite les élèves que l'imam al-Bukhari a laissés derrière lui. En l'occurrence, l'imam Muslim, qui plus tard Muslim, lui aussi va rédiger et va recueillir des hadiths du prophète, et ça composera l'authentique de l'imam musulman. Et c'est pour ça que c'est un homme vraiment qui a marqué l'histoire, c'est pour ça que j'ai voulu qu'on mentionne et évoque certains faits et événements de l'histoire de ce grand imam, Mohammed ibn Ismail al-Bukhari, et sa mère vraiment a joué un rôle central et majeur hein, dans l'éducation de cet enfant, rahimahullah, rahmatan. Qu'Allah lui accorde cette grande miséricorde. Lorsqu'il est revenu à peu près à l'âge de 42 ans, Al-Bukhara, donc sa mère, était décédée. Et donc à ce retour-là, alors il est rapporté qu'il a reçu à peu près 180 000 dinars en héritage. Certains rapportent cela, dans certains faits et récits, il est rapporté cela, qu'il a reçu 180 000 dinars en héritage. Et il est rapporté qu'il a investi dans la construction d'un centre d'études. Et qui était fréquenté par des étudiants de toutes parts, de toutes parts. Que ce soit des étudiants de Perse, même des étudiants qui étaient turcs, qui étaient arabes, même chinois, ils venaient de toutes parts. C'est pour cela que l'authentique de l'imam al-Bukhari, le fait qu'il soit attribué à lui, il est attribué à lui avec certitude. Il n'y a aucun doute sur cela. Pourquoi? Parce que ce sont des milliers de gens, d'élèves, qui l'ont écrit directement de l'imam al-Bukhari. Et des milliers de gens l'attribuent à l'imam al-Bukhari. C'est pour cela que ce livre-là, il a été écrit par des gens qui l'ont entendu directement de l'imam al-Bukhari. C'est pour cela que certains rapportent qu'ils estiment, dans certaines versions, ils estiment qu'ils étaient plus de 70 000. 70 000 étudiants venus écrire et apprendre les hadiths auprès de l'imam al-Bukhari. Et certains spécialistes et historiens, ils estiment plutôt à plus de 90 000. 90 000 étudiants qui étaient venus alors prendre la science du hadith de l'imam al-Bukhari. Et c'est pour cela que ensuite il a eu de nombreux disciples. Il a eu de nombreux disciples. Et c'est pour cela que beaucoup, beaucoup, eh ben, ont appris et ont retranscrit l'authentique de l'imam al-Bukhari directement de l'imam et de la bouche de l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Ensuite, l'imam al-Bukhari, il est rapporté qu'il décéda à l'âge à peu près de 62 ans. À l'âge à peu près de 62 ans. Donc, il est dit 62 ans. Et c'était en l'an 256 de l'Hégire. Donc, on est à la moitié du 3e siècle. Il est décédé dans la moitié du 3e siècle. Donc, l'imam al-Bukhari est donc décédé la nuit de l'Aïd, al-Fitr. C'est pour cela qu'il fut enterré justement le lendemain. Donc, il a été enterré le jour de l'Aïd, al-Fitr, après la prière du al-Dhuhr. Et il est rapporté, les gens rapportent que lorsqu'il fut enterré et lorsqu'il fut mis sous terre, alors il se dégagea une odeur très agréable. Une belle odeur se dégageait de sa tombe, et certains disent même que c'était une odeur qui était encore meilleure que celle du musc, et beaucoup rapportent que cette odeur-là, qui émanait justement de la tombe de l'imam al-Bukhari, certains disaient qu'elle a duré même plusieurs jours, qu'elle a duré même plusieurs jours. Alors certains ont même expliqué cela, ils ont dit peut-être que cela est dû à ces nombreux jeûnes, puisque l'imam al-Bukhari était connu pour ses adorations, que ce soit pour les prières surrogatoires, il était connu, hein, que ce soit pour les prières surrogatoires, que ce soit pour le jeûne, il jeûnait énormément du jeûne surrogatoire, et certains ont dit peut-être que cette bonne odeur qui sortait de sa tombe, peut-être que cela était dû à ce jeûne, ce nombreux jeûne qu'il faisait, et vous savez que l'haleine du jeûneur, eh ben, est comparable à l'odeur du musc. Alors certains ont expliqué de cette manière, c'est des interprétations de certains savants. Pourquoi? Parce que, comme il est rapporté, il était fervent aussi bien dans les prières, dans le jeûne, dans l'adoration. Il disait par exemple qu'au mois du Ramadan, il lisait le Coran entièrement chaque jour. Chaque jour, il est rapporté qu'il lisait le Coran entièrement. Et un tiers, chaque nuit, il lisait un tiers après la prière du Tarawih. Donc dans les journées, chaque jour, il lisait le Coran. Et la nuit, après Salat al-Tarawih, il lisait un tiers du Coran. Donc comme on a dit, on va terminer sur cela. Il était obligatoire qu'on fasse un bref aperçu. Donc c'est vraiment un très bref et résumé, un aperçu qui est vraiment concis de la vie, de certains événements hein, qu'on a vraiment, vraiment résumés. C'est pour cela que je conseille mes frères et je vous exhorte vraiment, vraiment à revenir dans la biographie de ces grands hommes, surtout à lire dans la biographie de l'imam al-Bukhari, son enfance, comment il a toute cette vie-là qu'il a passée au service de la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, et il fait partie de ceux vraiment qui ont joué un rôle majeur dans la préservation de la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est pour cela que le prophète nous dit, à la tête de chaque siècle, Allah va envoyer un réformateur, justement pour revivifier la religion, la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est pour cela qu'il était important pour nous, et c'est un honneur pour nous. Et j'ai lu un livre, justement, un auteur, il parlait justement de la biographie de l'imam al-Bukhari, et à un moment donné, il dit une très belle parole. À un moment donné, cet auteur, pour terminer, a dit une très belle parole. C'est une bonne exhortation et un encouragement. Et il dit, pour protéger, puisque cette révélation-là, Allah Jalla wa Ala a garanti la préservation. Et aussi pour la préserver, Allah a envoyé des hommes pour préserver cette révélation. Comme il dit, regardez, j'ai trouvé dans ce livre, où c'est un auteur qui parle justement de l'imam al-Bukhari, et il disait par exemple, pour le Coran, Allah Jalla wa Ala a envoyé des hommes qui l'ont préservé, qui l'ont protégé, comme Othman ibn Affan. Othman ibn Affan a joué un grand rôle, un rôle principal. Hein. Il a marqué l'histoire pour l'assemblage du Coran et la préservation aussi du livre d'Allah. Enfin, donc des hommes sont venus, وَيَحْفَظُونَ الْأَحَادِيثِ, et des hommes ensuite sont venus pour protéger la sunna du prophète, en la mémorisant, en la préservant. Comme c'est le cas, il dit, de l'imam al-Bukhari et de l'imam muslim. Et des hommes ensuite sont venus aussi pour préserver la biographie du prophète, la biographie des compagnons du prophète. Et c'est pour cela qu'on retrouve de grands savants, d'imminents savants, des figures de notre communauté, qui ont vraiment donné tout leur temps aussi pour préserver aussi les récits, la sunna, la biographie du prophète, comme c'était le cas de l'imam Tabari, qui était spécialiste de la vie du prophète, de l'histoire aussi, de la nation musulmane, aussi le grand savant Ibn Kathir. Alors, il dit, regardez, on va terminer avec cela, il dit ensuite, cet auteur, ce cheikh, il dit, et aussi, pour préserver cela, tout ce travail-là, tout ce travail qu'ont fait ces grands savants-là, ces grandes figures qui ont marqué l'histoire de notre nation, de la nation musulmane, ce travail-là, pour le préserver aussi, eh ben, il dit, le cheikh, il dit, ça a besoin des hommes comme moi. Donc ça, c'est l'auteur qui dit cela. Ça a besoin. Pour préserver cela, il faut des hommes comme moi, le cheikh dit. Vous allez comprendre. Et ensuite, il dit, et des hommes comme toi, et des gens comme vous. Comme vous. Il dit, Yaqoumoun bid-difa' an sirati oulaika kullihim. Comment? Il dit, il faut des hommes comme lui, des gens comme nous, des gens comme vous. Comment? Quel est le rôle qu'ils vont jouer pour défendre justement l'honneur de ces grands imams? Le shir, c'est ça qu'il veut dire. Il veut dire maintenant, notre rôle à nous, maintenant, que ce soit les frères ou les sœurs, notre rôle à nous maintenant, c'est de défendre l'intégrité de nos savants, l'intégrité de nos imams. Et il dit, c'est ça notre rôle à nous. Notre rôle à nous, il faut défendre l'intégrité de l'imam al-Bukhari, de l'imam muslim, l'intégrité des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, parce que c'est eux qui ont transmis justement ce savoir-là de génération en génération. Donc, il faut préserver l'intégrité de ces gens, il faut préserver leur honneur. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.